Et bonjour. Bienvenue sur Hilarguil. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Hilarguil, la chaîne de la musique pas forcément très bien faite. Mais on s'en fout, c'est pas ça le but ici. Bienvenue sur Hilarguil, sur l'émission Badoum 03. Ici, on est sur Twitch et on compose de la musique en direct avec, vous le voyez ici, des contraintes, une contrainte d'accord d'abord, une contrainte technique et une contrainte de contexte qu'on va tirer au sort ensuite, et le tout en moins de 3 heures. Donc voilà, on se retrouve tous les lundis et tous les mercredis à 10 heures pour ça. Et ensemble on compose une petite connerie quoi. Voilà, sachant que souvent les contraintes se contredisent pas mal. Bonjour Gwen, est-ce que ça va en cette matinée matinale? Salut Seb. Et du coup oui, voilà, donc les contraintes ont tendance à souvent se confronter les unes aux autres et ça donne des trucs souvent difficile, et bon, c'est quand même un peu intéressant. Et puis après, comme on est un peu débile, toujours dans mon lit, mais ça va très bien. Oui, les fidèles, merci beaucoup d'être là, tous les deux, en tout cas, toutes les deux. Et voilà, donc on va tranquillou. Ça va toi aussi? Oui, moi ça va, ma foi, très bien. Il fait un peu froid ce matin, je sais pas pourquoi. Normalement, il y a plus de degrés que les fois précédentes, mais j'ai froid moi. Je me suis un peu augmenté le chauffage. Bref, comme tous les lundis et comme tous les mercredis à 10h, on a 3h pour composer un morceau. Alors, j'ai pas encore lancé évidemment le décompte encore, mais ça pas tarder, tu t'habitues au pour la bois. Ouais, tellement, c'est tellement bien le pour la bois. Voilà, ils sont faits, on démarre. Hop, j'ai un peu baissé la musique. Voilà, une musique que vous pouvez retrouver sur la playlist. Vous allez sur la page d'accueil, sur Twitch ou sur YouTube, je ne sais pas où vous êtes, ou sur Spotify. Et il y a un lien où il y a écrit tous mes liens. Et là, vous descendez un peu et il y a la playlist qu'on est en train d'écouter. Et voilà, on commence. Allez, on commence, sans perdre de temps. Vous le voyez, ici, on commence par les accords, ensuite la technique, ensuite le contexte. Excusez-moi. Et donc, je serai rendez-vous kiné à 10h30. Rendez-vous 3 par semaine, j'ai l'impression, Seb, quand même. On est bien sur les accords. Donc, les accords. On va voir ce que ça va donner. Alors, les accords, c'est un peu moi, c'est un peu les copains, c'est un peu les copines qui nous ont donné. Voilà, j'ai demandé aux gens autour de moi de me donner des accords qu'ils aimaient bien. Et aujourd'hui, c'est... Ah, mais c'est un accord de moi. Mi mineur, ré... La, la. Mi mineur, ré, la, la. Alors, ça va donner quoi, ça? Hop, je vais baisser ça ici. On va prendre le petit Billy. Est-ce que je vous ai parlé de Billy? Est-ce qu'il est pas beau, Billy? C'est mon petit cigar box qui a été fabriqué sans boîte à cigare parce que le luthier en question avait pas de boîte à cigare, donc il a fait sans. Hop, voilà, c'est mieux. Et donc il avait pas de boîte à cigare, donc il a fait une boîte à cigare d'abord et ensuite il a rajouté tous les éléments pour faire sa cigar box à 4 cordes, et moi ensuite je l'ai réaccordé comme un gros ukulélé, ce qui fait que ça fait sol, do, mi, et là j'ai augmenté un peu Billy, là il est un peu bas. Hop. On entend pas bien Billy, pourquoi on l'entend pas? Si je mets à 0, c'est mieux? Pardon. C'est quoi cette histoire? Hop, compresseur, ben compresseur, tu me compresses ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Hop, on va aller voir là. Ah, mais c'est lui. Voilà, c'est un peu mieux là. Ah, j'aime comme ça. Alors, c'est mieux, oui. C'est mieux. Hop, mais du coup. Pardon, ouais, je fais un peu mes réglages en direct comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, je vais le monter encore un poil. Donc, je disais sol, do, mi, la. C'est donc l'accordage d'un ukulélé, mais j'ai tout descendu de deux octaves, sauf le sol, que j'ai descendu de trois octaves, parce que normalement le sol il est aigu. Il est plus aigu que le do qui suit au ukulélé. Donc voilà, j'ai fait ça pour avoir un son de guitare, mais sans avoir à m'emmerder à prendre la guitare. Voilà, petit tip pour les feignasses comme moi. Alors. On a dit mi mineur, ré, la. Mi mineur, ça donne ça. Ré, la, et la. Quelque chose comme ça, donc. Donc des accords plutôt assez jolis, un peu confort, qui peuvent être assez, je pense, grandioses si jamais on peut les jouer un peu plus lent. Un peu fait film joyeux, ça y est, on a rempli la mission. Voilà, j'aime bien ces accords, dis donc. Hop, on va les noter. Mi mineur, ré, la. Hop. Mi mineur, tiré, ré, la. Voilà qui est noté. Ensuite, nous aurons donc la technique. En technique, c'est-à-dire une petite contrainte imposée sur une technique musicale. Ça peut être un peu tout, n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Tempo lent. D'accord, donc on est parti sur un tempo lent. Comme vous le voyez. Ça aussi, je vais le noter. Tempo. Tempo. Hop, j'oublie le haut. Tempo lent et pour. Le contexte, c'est-à-dire en gros le thème général. Pourquoi est-ce qu'on composerait ce truc? Contexte, ça va être. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Ah ben voilà, 8-6 et capsule. La dernière fois, on a fait du ska punk, cette fois, on va faire du punk. Sachant qu'on a des accords qui sont un peu réconfortants. Huitis et capsules. Donc, on est parti sur mi mineur, ré, la. Ceux qui sont des accords, c'est réconfortant, assez chaleureux, assez mignon. Un tempo lent et on va faire du punk. Et c'est peut-être ça le problème, voyez-vous. Parce que faire un truc réconfortant et lent, mais faire du punk avec, eh ben ça va être chaud sa mère. Eh ben c'est parti, on a 3 heures. Le compteur est parti. Sur quoi est-ce qu'on part? Alors, on va déjà prendre ça. Punk joyeux, ça peut se faire. Mais punk réconfortant, c'est plus chaud déjà. Mi mineur. Mi Ok. Dans Cuites et ses capsules, on peut faire un truc qui va jouer pas mal sur les paroles. Là, j'aurais évidemment besoin de vous pour les paroles. N'hésitez pas à participer, hein. Je crois que je l'ai mis, normalement, je l'ai mis dans les règles. Si je fais ça et que je tape règles, est-ce que ça marche? Ça marche, voilà. N'hésitez pas à suggérer des idées pour la chanson. On peut faire un truc un peu triste sur un chien qui s'appellerait Capsule, par exemple. Ça peut être pas mal en mode un peu punk. Punk lent mignon, qu'est-ce que ça va donner? Alors lent. Hop, on va faire le tap tempo. On va aller à 83. Hop, ici. Ce qui va donner un tempo lent comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va mettre une guitare saturée. Une guitare saturée punk. Donc je vais dans les plugins, guitar rig. Hop, et je vais chercher comme la dernière fois, il y avait ah là là, un preset de guitare qui s'appelait les Ramones. Donc si je mets style et que je mets c'était quoi? Classic rock je pense. Voilà les Ramones. Et ça, voir ce que ça va donner. Évidemment. Hop, comme ça c'est mieux. On se met le tempo. Bon, évidemment, je suis pas du tout en tempo, mais ça peut donner un truc comme ça, et on va essayer de faire des paroles un peu tristounes. Un peu tristounes de punk en parlant comme ça. Un peu comme la dernière fois, finalement, qu'on avait fait Capsule et Pantalon Tartan, c'est-à-dire Ska Punk. Faut trouver une batterie un peu punk, mais lent. Alors, ce qui est bien, c'est que. Hop, je vais mettre une piste MIDI. Je la mets tout en haut. Là, je peux. Donc, je vais mettre Easy Drummer, c'est-à-dire mon plugin de batterie. Et je vous le disais la dernière fois, mais il y a des batteries qui sont déjà faites par des vrais gens qui jouent de la vraie batterie, qui est enregistrée sur une batterie électronique. Et ensuite, il n'y a plus qu'à adapter le son, etc. Et en plus, ce qui est magique, parce qu'on est dans le futur, on peut adapter tout ça. On peut changer la moindre note, le moindre coup, le déplacer, etc. Et donc là, il y a des trucs punk. Donc là, j'ai du punk ici. Si je vais là, j'ai du punk. Non, j'ai pas du punk. J'ai punk metal 180 BPM. Alors, on va voir ce que ça donne. Sur ça, hop, cette batterie là, je vais la mettre là. Toc toc, importer, non, je vais renommer ma batterie, ma piste de batterie plutôt. Hop. Voilà, on va partir sur cette batterie. Écoutez, j'avais pas trop d'idées, mais parce que j'ai pas trop tendance à écouter beaucoup de punk. Et que le punk lent, j'avoue que je connais pas trop. D'habitude, c'est plutôt énervé, donc assez rapide tout ça. On va voir là ce que ça donne. Si je fais ça. Hop. We'll be right back. qu'on va faire, c'est que plutôt que de jouer 4 accords, c'est-à-dire mi mineur, ré, la, la, on va faire que mi mineur, ré, la. Oui, Bichente, qu'on a besoin de lui, c'est une très bonne question. Où es-tu, Bichente? Hop, lui, je parie, je vais le rebaptiser cette piste en Billy 1. Et je vais lui mettre un petit. Un petit noise gate. Noise gate, c'est très pratique. Voilà. Je lui fais apprendre. Et ce qui veut dire que quand il y a assez de volume, il laisse passer le son. Et quand il n'y en a plus, eh ben, il le baisse tranquillement. Et il le fait disparaître. Et donc, on va faire quelque chose comme ça. Ce qui fait que lui, là, cette batterie-là, eh ben, on va tout simplement virer une grosse partie. Celle-là. Hop. Et si je fais ça, on va écouter la batterie. Ça va, l'enchaînement n'est pas trop dégueulasse. On va voir. Clac. Clac. Je pense que je peux virer la... le synthé, voilà, envoyez un message à Bichente, là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est pas là, qu'on a besoin de lui, à travailler, là, il fait semblant de travailler en plus tout le temps, il me raconte à chaque fois que c'est un gueule avec tout le monde, alors, on va partir sur un truc comme ça. Ce qui fait que lui, je vais le boucler. Il me semble que c'était pas trop dégueulasse la batterie. La guitare. Est-ce que je suis bon là? Hop. Et ici. Et la boucle, je vais la faire comme ça. Non, la boucle, je vais la faire ici. Plutôt. Voilà. Hop, ici, comme d'habitude, on met en boucle. Ça, on le change pour qu'ils comprennent, si jamais on change de tempo ou quoi que ce soit, qu'il faut le garder comme ça. Ouh, la reprise est un peu dégueu. Hop, on va lui mettre ça là, allez, et lui. Voilà pourquoi il faut toujours mettre, changer les réglages de trucs audio, parce que si on bouge un peu, ben sinon c'est dégueulasse. Salut Mika, ça va ? Ça, il faut que je monte l'écran en Ableton, pardon, hop, j'ai pas encore l'habitude. Ce que j'ai changé, c'est ici. Voilà, hop, vous voyez là, ici on peut changer le. Sur le. Quand on double-clique sur la partie audio qu'on vient d'enregistrer. Ça va, merci. On peut. Hop. On peut changer la façon dont Ableton va gérer les changements de temps, c'est-à-dire si on étire, si on pitch ou quoi que ce soit. Ici, on peut changer la façon dont tu vas calculer ça. Et donc là, j'ai une guitare, c'est pas un beat, c'est pas un rythme, c'est pas tone, c'est-à-dire une mélodie, c'est une texture. Alors après, il y a les repeats, il y a les etc. Je bouge, j'utilise pas trop. Quand je fais des accords comme ça, eh ben, on reste sur texture. Et comme ça, si jamais là, j'avais démarré un peu en retard, je veux retoucher le truc. Et ben hop, c'est aussi facile que ça. Et ici, pareil, je crois que il n'y a pas. Si, ça va. Ça va. Alors, je vais enregistrer une deuxième gratte. Celle-là, on va la mettre à gauche. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, je duplique ça. Je change évidemment l'endroit où la piste que j'arme. Et je reprends la guitare et je vais faire exactement la même chose. Puisque l'idée c'est que pour un jeu de grade, plus c'est énorme, parfois il faut quand même une petite limite. Parce que sinon ça commence à être vraiment un gros brouhaha, mais on peut rajouter pas mal de trucs selon le style. System of a Down, on est connu pour genre faire 12 guitares, juste comme ça, 6 de chaque côté. Voilà, c'est à chacun de voir aussi. Là, on est parti sur du punk, donc a priori, on va essayer de pas faire un truc trop propre non plus. Mais une guitare à gauche, une guitare à droite, c'est un peu le minimum. Et jusqu'au pied-coller. Une guitare à gauche, une guitare à droite, ça sert à rien parce qu'en fait, ça fait du mono, ça fait que c'est juste au centre. Donc, il faut soit refaire la guitare, soit changer les réglages de son, mettre un différent ampli ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que souvent, quand on dit 12 guitares pour System of a Down, c'est en vrai, c'est il le fait 6 fois avec 2 micros différents ou il le fait 4 fois avec 4 micros différents sur l'ampli et ça fait ce son énorme. Moi, j'aime bien juste prendre exactement la même chose et juste refaire 2 fois. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre le clic pour le début. Ou un petit dé sur la deuxième guitare, effectivement, mais ça c'est plus pour le live. Si on a le temps de le faire comme ça, ben, ça semble toujours mieux de le faire comme ça. Mais effectivement, pour le live, si on veut augmenter le truc, on met un tout petit délai, quelques dizaines de millisecondes, pas plus, sur un deuxième ampli. Et Willis Drummond le faisait ça par exemple, et le deuxième ampli était en clean. L'idée c'était pas d'avoir deux grosses guitares saturées, et en même temps quand il faisait ça c'était l'époque où Willis n'était pas forcément méga méga bourrinos. Donc il mettait juste une deuxième guitare clean avec un tout petit délai pour avoir l'impression que c'est pas du coup exactement la même chose, donc ça donne cet effet de trucs plus gros, mais tant qu'à faire ici, c'est quand même vachement plus propre de le faire simplement 2 fois. Hop, on vérifie ici, loop, clac clac, le loop, évidemment je mets le début et la fin pour qu'il soit au bon endroit, et je mets texture, voilà, comme vous le voyez ici. Comme sur l'autre en fait, et puis on vérifie que j'ai bien commencé au bon endroit. Hop, attention si on met pas de... ici. Là je l'ai avancé, mais si je mets pas d'autres points de repère, il va simplement avancer toute la piste. Alors c'est possible que je sois qu'il y ait un délai aussi. Hein. Mais là, comme j'ai l'impression que le reste est quand même plutôt propre, je fais ça histoire qu'il n'y ait pas un trou à la reprise de la boucle. Et je le mets, comme je l'ai dit, complètement à droite celui-là, et ça donne ça. Voilà, on a notre boucle principale. On va se rajouter. Je crois qu'on va regarder les mêmes accords, mais je vais essayer de faire du power chord, palm mute, tout ça. J'ai pas du tout l'habitude de le faire, donc on va voir ce que ça va donner. Hop, ici, je vais juste mettre la batterie. Je vais la continuer, la remettre. Et. On va voir pour faire une espèce de un couplet quoi, et après on va changer la batterie. Là je me la mets histoire d'avoir le tempo comme il faut. Alors ré, qu'est-ce qu'on a dit, mi ré la mi, je suis ici. Ça, tout de suite ça sent les tierces majeures mineures, ça sonne pas pareil hein. Mais arrête avec placebo, y a pas que placebo dans la vie. Ils ont pas tout fait non plus. Croyable ça. Merde. Hop, je le refais de l'autre côté. Je crois que j'ai un peu chié à la fin. C'est pour ça que je l'ai fait deux fois. Hop, je le refais de l'autre côté. Et voilà, Placebo n'a pas tout inventé. J'aime beaucoup Placebo, mais tout ne ressemble pas à Placebo non plus. Et puis tu vas voir qu'en plus, ça sonnait Placebo parce que tu entendais les cordes par le micro. Et donc, il y avait ce clean aussi. Mais si on enlève ça, ben d'un coup, hop, je dis ça, pareil, ça, comment faire Placebo, on va voir. Come the forest can't tell fiend. Where's comes the fire and sea? Where's compass tree tonight? Where's come a feel later we? Ok, ça fait placer beau. Mais comme je vais pas faire cette voix là. Eh ben ça fera pas placebo. On arrête maintenant. Ça suffit avec placebo. Voilà, mais du coup, c'est quand faire du placebo. Faites du punk lent. Avec une voix nasillarde qui parle comme ça. Et la batterie, qu'est-ce qu'on fait pour la batterie? On va mettre un truc, je vois, c'est pas un truc rapide. Patou, patou, patou, patou, patou, patou, patou, patou, patou. Truc comme ça. Genre faire un couplet un peu plus tu vois quoi. Où est-ce que je peux trouver ça? Ok, donc pas là. On va chercher dans les trucs un peu lents. Donc pas là non plus. D'accord, si je vais là. Train beat, c'est marrant, hein, c'est vrai qu'on utilise pas beaucoup. Tu peux compenser le fait que tu avais pas droit la dernière fois. J'avais pas droit à quoi? À la batterie? Ouais. Ah, tu veux compenser? Oui, je veux complètement compenser. Ou sur la grosse caisse, sur le gros tome, pardon. Bon, on va voir, on se la faire nous-mêmes la batterie. J'ai pas de batterie électronique là qui est branchée. Quand on aura le vrai set de stream, tout ça, vous allez voir qu'on va se faire un truc super top. Comment c'est là? Hop, bah c'est ça, on va mettre partout. Voilà. Pas tout, tout, tout, ta, tout, ta, tout, ta, tout, ta. Gros tome. Alors, pour faire la grosse caisse, parce que pour l'instant, il y a quand même besoin d'une grosse caisse, c'est la base. On va vérifier que c'est la même grosse caisse que à côté. Ils utilisent C1. Hop, C1, il est là. Et on va l'intercaler pile entre les deux. Voilà. Et donc je veux. Voilà, je veux ça. Et lui, je vais en foutre partout. Non, je veux même plus que ça. Voilà. C'est presque trop. Je vais le faire de toute façon. Et puis, hop. Ah, c'est parce que je me suis trompé. Voilà. Je me suis trompé d'instrument. C'est ballot, ça. Hop, hop, hop. Hop, et j'ai envie de rajouter une petite un petit toupata. Hop. Toupata. Tout. Comme ça. Et comme je l'ai pas coupé exactement au endroit que l'autre, la boucle est pas la même et du coup ça commence pas et ça finit pas au même endroit. Et ça c'est un peu cool. Rajouter une petite. Voilà. Ça. Et ça. Comme ça. Et on va mettre peut-être. Tu l'as là. Voilà, ça nous fait un petit couplet. Si je remets ça derrière l'espace. J'ai envie de mettre une sur le refrain entre guillemets. Je vais mettre une guitare un peu tristoun. Je vais juste mettre ça. Faire au milieu un truc dans les aigus un peu triste. Je vais changer un peu le ça. Je vais mettre un peu plus de gain. On va voir comment ça sonne. Donc avec quoi je vais mettre le solo maker parce que il existe un solo maker dans le Metal 25. Voilà. Un truc un peu triste comme ça, là. On l'entend pas, alors je vais tout baisser un peu parce que là ça commence vraiment à être fort. Voilà, je vais tout baisser un peu sauf lui qui va rester à moins. Et oh, voilà, évidemment je fais des bêtises. Voilà, je vais laisser à moins 6 ce petit solo là. Ah, c'est pas assez punk ça. On va faire un truc un peu plus. Un peu plus gna gna gna. Ça y est, ça a changé le punk. Le truc plus par là, peut-être. Plus basé dans les grammes. Peut-être juste suivre les accords, simplement, ouais. Ça, c'est la bonne si on fait ça. Non, je vais mettre un truc dans les aigus qui sonne un peu quoi, mais enfin, je sais pas, c'est très mélodique du coup. C'est peut-être très simple comme ça, pour que ça sonne quand même un peu punk. Parce que sinon j'ai peur que ce soit un peu plat. Faut partir, ouais, punk qui a perdu son clébard capsule, quoi. C'est le clébard de ma vie. Préparez les paroles, d'ailleurs, hein. Préparez les paroles, parce qu'il va falloir, faire la musique triste de punk qui a perdu son chien. Dans les gras, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Je suis pas sûr que ça sonnerait quoi à ça, quoi. Il ressort pas très bien. Il ressort pas très bien. Peut-être que j'ai pas le bon. Peut-être que j'ai pas le bon. Le bon preset aussi. Hein. Si je remets celui qu'on a utilisé pour les guitares. Peut-être que ça va être très bien. On va voir ce que ça donne. Dans les graves. Hop. C'est pas mal aussi, je trouve. Mais comme ça, tout seul, c'est pas mal. Mais le reste, c'est pas, je trouve pas ça fou. Peut-être un entre deux. Hein. Peut-être un entre deux. Là, je suis en. Tranquille. On va essayer là, mais peut-être avec l'autre son, quoique peut-être pas. Je vais essayer un truc, je vais mettre un plugin que j'aime bien, le OneNub, qu'on a déjà utilisé ici, je crois, à chaque fois, pour la voix, mais là je vais essayer de l'utiliser sur la guitare, driver mono, hop. Je sais pas, on va voir. Si je lui mets de la reverb, peut-être un peu. Mais la reverb, c'est pas très punk, quoi. Je suis passé un coup de vent, j'ai du taf aujourd'hui pour une fois. Et si je garde le stream, je vais vouloir participer. Bon stream, bonne compo et bonjour à tous. Merci Mika, merci d'être passé. Voilà, fais la pub, toi, abonnez-vous, tout ça. Toi, il y a le rediff, hein, si jamais t'as envie de participer. Ou on se voit mercredi matin. Ou alors, tu t'imposes de ne pas participer, c'est toi qui vois. Merci de passer en tout cas. On va essayer avec ça. Je joue un peu en train. Ça me paraît pas trop mal. J'ai envie d'essayer avec l'autre son. Voir ce que ça donne. Comme ça c'est pas mal, je sais pas ce que vous en dites dans le chat. Je vais plutôt garder ce son là histoire qu'il ressorte quand même un peu, donc je supprime l'autre. Quel bon son pour faire de la bugne. On va faire ça et en mode très très simple, très tout en bas quoi. Peut-être. Je vais essayer le palmuter même. Allez, on fait le dernier essai en palmute et puis après j'enregistre. Pas bien le tenir. Allez, on va partir sur ça. On va voir ce que ça donne. Pourquoi tu te... C'est toi donc, toi aussi, je vais te mettre en... hop, Dynamix. Noise Gate. Et tu te tais, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, j'efface ça. On va voir. Quelqu'un... Pas mal, hein? La prise nulle. Qu'est-ce que ça dit? Pardon. Qu'est-ce que ça dit? Je trouve qu'on est pas trop mal. On est pas trop mal. Qu'est-ce qui fait punk? Il est où mon Bichente? Pourquoi il est pas là, Bichente? Il me faut les conseils de Bichente. Qu'est-ce qui fait punk? En même temps, on est lent et en même temps, on a des accords un peu confort. C'est trop propre encore. Tu parles du son, de la façon de jouer. Enfin, tu parles de la mélodie. Alors je vais mettre Billy Milo d'ailleurs sur ça. Je vais même changer la couleur. Pour saturer plus. Mmh. Je suis pas du tout carré, c'est dingue. Non, c'est pas trop dégueu en plus quand on regarde le schéma. Peut-être que je peux lui mettre encore plus de. Hop, si je. Il y a un bouton chaos, on va voir ce que c'est. C'est incroyable dans le futur quand même. Chaos, c'est un délai qui est pas carré, je dirais. Je pense qu'il y a plusieurs délais qui s'entrecroisent et qui donnent cette espèce de côté complètement, complètement dégueulasse. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour nous, ça. Parce qu'il faut pas que ce soit trop chiadé non plus, quoi. C'est du punk, on est pas censé passer des airs. Mais ça, c'est quoi ça? C'est le placement du micro, je pense. Je trouve que c'est pas trop dégueulasse. Enfin, que c'est dégueulasse comme il faut. Avec ou sans? Bah, je serais sans, il est un peu il est moins beau, il est un peu moins il a un point de travail. Je me demande si la rythmique qui fait très placebo est pas trop aiguë pour du punk. Rythmique aiguë, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me demande si la rythmique qui fait très placebo est pas trop aiguë pour du punk. Tu parles de ça là? Là, je me dis, c'est une chanson. C'est le punk qui a perdu son chien et du coup, il fait une chanson un peu d'amour. Donc, il met un peu tout ce qu'il peut comme mélodie, quoi. Donc, il faut quand même que ce soit, je pense, un peu triste, quoi. Et si on met trop dans les graves, alors je peux essayer. Tu vois quoi? On va prendre exactement le même son. Je vais le dupliquer et virer tout ce qu'on a fait et je vais le faire plus bas. Mais je suis pas convaincu. Ouais, c'est pas ça. Il faudrait pas la faire plus grave. Mais on va essayer. On va essayer. Je me suis chié la reprise, mais c'est pas grave. Hop. Je trouve que ça marche bien, que c'est plus punk perso. Ok. Et on va écouter. Et on va comparer. Hop. Celui-là, je le mute. Celui-là, je le double. Et on va voir ce que ça donne. Et je vire ça. We'll be right back. Tu préfères ça, toi? Ben, on garde ça, alors, hein. Si tu préfères ça, hop, je vais juste, comme d'habitude. Là, c'est un taunt, par contre. On va mettre en boucle. Et on va vérifier que je suis pas trop dégueulasse sur la rythmique. Je suis un peu dégueulasse sur la rythmique. on va tricher un peu, c'est pas grave. Voilà comment on triche quand on est dans le futur et encore plus de batterie. Comment ça, plus de batterie? Plus de batterie, que ça veut dire plus rapide? Hop, celui-là, donc je l'ai mis en loop. Clac, clac. Et je vais donc le boucler, copier, coller. Et celui-là, je le vire. Tu veux que je mette des breaks partout? Très bien, on va mettre des breaks partout. C'est que ce break de fin, il est un peu dégueulasse. Pour ça, on va aller chercher des breaks déjà tout faits. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas de batterie électronique branchée. Et donc... on va essayer de mettre un coup. Genre, ici, jazz, funky swing, je peux mettre un truc funky swing pour voir. Ouais, peut-être pas finalement. Swing metal. Il y a la double partout. Ben on va faire un peu un petit mix. Alors, ça c'est comment? C'est long. Allez, on va faire un petit mix. Et on va garder que la moitié histoire qu'il soit pas. Un truc comme ça, évidemment, ici. Lui, je le mets là. On va monter. Ou on fout des breaks vraiment partout? Vas-y, tu sais quoi, on va mettre des breaks vraiment partout. Straight. Ah bah là, j'étais pas dans le straight aussi. Fields. Voilà, ça c'est un peu mou ça. C'est mou. Mais la fin est bien. C'est mou, mais la fin est bien. Et on va le mettre ici pour voir. Hop. Et on fait ça. Ça fait bien punk là. Ok. Alors, une autre batterie. On va en foutre partout, ouais, puisque c'est ça que tu veux. C'est un peu mou, quoi. Faut que j'aille chercher les trucs un peu plus lents. Voilà, il est bien. Oh, tu sais quoi, on va les mettre un peu au pif. On va les mettre au pif et puis on va voir ce que ça nous... voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'ai peur que... toujours plus. Je copie, je colle ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes prêts? Je pense pas. Mmh. C'était quoi ça? Bon, celui-là, je crois qu'on le virait, malheureusement. Et pourtant, il est... Ah, mais j'ai changé le tempo. Sans le vouloir. Supprimer automation. Oui, voilà, c'est mieux. Je pourrais. Le problème, c'est que tu le vois ici, tempo lent. Tempo lent. Donc, si je double le tempo, ben, c'est plus un tempo lent. Donc, ça serait un peu triché, quoi. Il est où ? Et tricher, ça me va, mais pas tout le temps, quoi. Déjà qu'on triche un peu effectivement dans le couplet. Alors qu'est-ce que ça donne avec toute cette batterie complètement folle? Ça va? Il y a assez de break là? Je n'ai jamais foutu autant, hein, je crois. Voilà. Hop, copier et coller. Oui. Pardon. Je vais changer là, je vais faire les changements encore plus vite, je pense. Ouais. Parce que sinon c'est un peu trop pareil quoi. Hop, alors on va voir ce que ça donne. Et on l'a fait hein. Comme ça. Je vais chier. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux quand même, si on passe là. C'est mieux, ça fait plus punk. Voilà. S'il y a déjà des gens qui nous rejoignent et vous demandez ce qu'on est en train de faire, on est en train de composer une chanson en moins de 3 heures avec ces contraintes-là, ces accords, cette technique et ce contexte. Ah, j'ai pas mis le contexte! Oh là là, personne ne me le fait remarquer! Le contexte, c'est 8-6. Et j'étais persuadé d'avoir mis ce contexte. 6 et capsule. Voilà. Mais c'est pas triché sur le rime du coup s'il était au début du contexte. Alors, peut-être que quand je change ça, ça a changé. Non, c'est bizarre ça. Je sais pas pourquoi il est parti. Peut-être que j'ai fait une bêtise quelque part. On ne sait pas. Donc le contexte c'est 8-6 capsule. Donc on est parti sur du punk. Et donc il nous reste 2 heures pour finir ce morceau. Et on a changé, on vient de changer à l'instant. La rythmique, c'est un peu triché. C'est un peu triché, mais c'est pas tant triché que ça. Donc c'est ce qu'on veut, hein. On dit dans l'art, il n'y a pas de triche, quoi. On est là pour se mettre des contraintes, pas non plus pour se mettre des murs, quoi. C'est beau ce que je dis, non ? Hop, mauvais son. Je fais n'importe quoi. Ici, voilà. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Hop, ça dégage. Et puis oui, c'est un peu triché parce qu'effectivement le tempo, c'est un peu avoir un tempo rapide, mais ça fait contraster d'autant plus le tempo lent qui arrive après ici. Voilà, je remets un couplet après, et après il va falloir trouver quelque chose d'un peu mieux. J'ai pas fait la basse, voilà, on va faire une basse, hop, ici, audio, on va aller chercher une basse un peu disto, je vais aller chercher dans mes basses déjà, basse Billy. Non. Bon, c'est quoi? Même pas. Allez, on va se mettre un plugin. On est là pour tester des trucs, de toute façon. Guitar rig. Hop. Je vais chercher ma basse. Il n'y a rien qui est allumé. Non. La basse, vous commencez à la connaître. On va pas de trouver de nom à la basse. Peut-être que ça sera ça l'objectif du jour, trouver un nom à cette basse. Hop, audio, je renomme en basse. Et on va lui mettre un son. Basse amp, qu'est-ce qu'on a comme basse amp? Évidemment, on va jouer au Mediator, parce que c'est quand même vachement plus drôle. Qu'est-ce qu'on a comme basse? Comme basse, blablabla, delay, vintage, shop bass distort. Ça, c'est plus pour faire du The Who, quoi. Jump bass, c'est quoi? Boah, so bass. Ça, c'est pour faire du gros métal. La basse, c'est Jeanne, tu l'oublies à chaque fois. Elle est où, Jeanne? D'accord, on va l'appeler basse. Picket bass distort. La basse, elle rentre un peu fort dans le... D'accord. J'ai envie de la déglacer un peu encore. Face Buzz Distort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très le punk. Ou sinon on part sur une clean bass, on lui rajoute une disto. Ah, Big Fuzz, moi j'aime bien Big Fuzz, vous le savez que j'aime bien Big Fuzz. Ouais, allez, on va partir sur ça. C'est pas mal, je trouve. Tu parles de la... Tu parlais de laquelle? Parce qu'on a la micro décalage, je rappelle, avec le chat. Alors, j'enregistrerai ça de toute façon. Je l'enregistre et on pourra toujours le changer après, comme d'hab. Allez. Et je n'enregistre pas parce que j'ai oublié de mettre ça. Et lui, comme à tous les autres, je vais lui rajouter un noise gate parce qu'il me fait chier. Je parlais de la première, mais je veux bien la comparaison pour voir. Ok. Voilà. Planter, c'est pas grave. Hop, on va prendre ça. On va prendre ça, ça va être très bien. Dans la foulée, je vais enregistrer la suite. Qu'est-ce que c'est ça? Jamais. Oui, je me suis positionné. Effectivement, oui. Hop, je vais enregistrer la suite. Pareil, je vire la fin, je vire le début, et toi, t'es censé te taire à ce moment-là. Je mets là. Voilà. Hop, je lui fais la boucle. C'est un tons, et je le boucle ici. Hop, hop. Là, je vais changer la couleur. Tu parlais de la première, donc laquelle tu veux? Celle-là. Ça va faire beaucoup, je crois. Pareil, je vais mettre un Nosegate à lui, parce que sinon il va péter un câble. Voilà. C'est, en vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Puis c'est des punks, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, quoi. Allez, c'est vendu, on va regarder celle-là, c'est moins propre du coup. Oui, c'est vrai, oui. C'est moins propre. Moi, j'avais peur que ça fasse très. Très The Who, années 110, tout ça, très. Mais c'est vrai que bon, pourquoi pas après tout. Sur les punks, ils font bien ce qu'ils veulent, a priori. Donc, on va partir sur ça, effectivement. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Ferais pas un refrain un peu comme ça. Capsule, pourquoi t'es plus là? Question contre enfin, c'est double la batterie de la même façon que les guitares, c'est-à-dire un double dans le sens où j'en mets deux. Ben ça va donner un espèce de délai chelou. Le problème là, c'est que la batterie. Tu vas voir, la batterie, elle est carré-carré, quoi. Alors, si je la jouais moi-même, effectivement, elle serait pas parfaite, et du coup, on pourrait doubler et faire un truc... tester ça. Là, c'est carré-carré, donc ça va être chaud. Je vais te montrer ça. À mon avis, ça veut juste faire... Un truc très chelou dans le sens où en fait tu vois, ça va juste faire un délai quoi. Alors je vais essayer de le mettre un poil après. Mais voilà. Voilà, c'est littéralement ce que j'ai fait, c'est ça un mini délai. Hein. Mini délai, c'est tu le prends et tu le décales un tout petit peu. Et donc ça donne ça. Pas très normal. Hop, je vais le faire jusqu'au bout, histoire qu'on entende bien. La batterie toute seule. Et le petit délai. On peut écouter avec tout. Là, il y a les deux. Là, une seule. Ça donne un effet délai, quoi. Alors, effectivement, peut-être que ça va te sonner mieux, mais c'est surtout le fait que quand je rajoute la deuxième batterie, il y a plus de volume. Et donc, vu que c'est ça que tu vas entendre, et plus de volume, tu l'entends mieux, donc tu trouves que c'est mieux. Mais c'est pas forcément faire attention à ça. Si je fais ça. Plus punk. Après, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas encore touché au son de la batterie. On va faire ça incessamment sous peu. Vu qu'on peut pas augmenter le rythme. Alors, batterie, on va aller chercher Vintage Purple Drive par exemple. Ça donne quoi? Oh, il faut qu'il charge. Voilà, on peut avoir plein de sons de batterie étrange. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais mettre là pour que vous voyez aussi. Basique 80, disco pop, distort, dry rock, metal, modern vintage, pop power batteur, prog rock, ringy rock, roomy rock, small rock, studio blues, tape filter, tight. Hop, et dans le vintage, basic dirty rock, lame, delay, heavy compressed, knock, level, lo-fi tape, old school plate. J'ai envie d'essayer le. Distort déjà, voir ce que ça donne. Ouais, il y a un délai. Et le tape filter, donc c'est-à-dire filtre de cassette. Ça rajoute ce petit lofi tape. Ah, ça c'est pas mal, c'est peut-être. Après, si on veut vraiment y aller comme des Brunos, je suis presque sûr d'avoir un truc genre vinyle. Si je mets ça, isotope, vinyle, je sais pas ce que c'est. On va voir qu'est-ce que c'est. Non, c'est un veste. Et voilà. Et mettre un filtre sur la totalité du truc. Hop, démo. Le problème c'est que je l'ai que en démo celui-là et que du coup il va m'emmerder. Vintage Exciter Vinyl Stereo Abbey Road Vinyl Light Stereo. On va essayer Vinyl Stereo, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Bon, il va falloir que je vous laisse. J'ai envie, très envie de faire pipi. Et donc, je vais mettre un peu de musique. Et je reviens. Ça va, je vous ai manqué. Évidemment, c'est à ce moment-là que Seb est revenu. J'ai eu une urgence pipi de dernière minute. Désolé, voilà, parfois ça arrive à force de boire du thé. Vous savez ce que c'est, hein. Donc, on a essayé de mettre un petit filtre vinyle sur le tout. Est-ce qu'on peut mettre ça à donf noise? Ouais, bah ça fait shrink, mais c'est pas dingo si je mets le light stéréo. Est-ce que c'est mieux? Ben, c'est la même chose. Pas fou. On va essayer de voir s'il n'y a pas un filtre Lofi. Non. Sinon, on peut le faire nous-mêmes. Hein. Alors, on va prendre Audio Effect. On va aller dans EQ8. On va te mettre là. Et on va virer les graves, virer les aigus. Et on va voir ce que ça donne. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop... Si à ça on lui rajoute le petit grain lo-fi, vinyle. Vitamine Mono ou. Attends, on va essayer Vintage. Vintage stéréo, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mal, hein, ça met un peu de grain dans le truc. Si je le mets après, peut-être. Hein. Merci, ça. Avec. Je sais pas, je suis pas méga convaincu. J'aimais bien l'autre. Celui-là, mais j'ai peur qu'il me chie dans la colle parce que j'ai qu'une démo. Et bon. En fait, ce qu'il fait, c'est virer des graves, virer des aigus, hein, pareil. Hein. Celui-là, le vinyle d'Isotope. Donc, ça est quoi? On va voir. Hop, ici. On va faire ça à l'ancienne. Voilà, hop, comme j'ai fait tout à l'heure. Virer un peu de grave, virer un peu d'aigu. Ici. Et ici. Et même, il y a des trucs déjà faits, je suis sûr. Hop, filter, low-eye, loop, blablabla, cheesy speaker, ça c'est des trucs de sport. Si tu le mets après ton limiteur, ton raster, bah pareil, le son va être plus ou moins le même. Hein. C'est juste qu'il sera pas au même niveau, mais bon. C'est un peu excessif. Ultra, extra low. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des EQ qui sont déjà faites, quoi. Il y a des EQ qui sont déjà faites. Boost high, blablabla, infrasonic. Ouais, rien de très fou non plus, quoi. Center kill, c'est quoi ça? Il a complètement tout foutu à mono et du coup ça a complètement viré ma voix. Ce qui est un peu marrant, mais pas tant. Power Book Boost, qu'est-ce que ça veut dire ça? Incroyable! Ça c'est pour faire de la fausse stéréo. Si jamais vous avez un truc mono et que vous allez en faire de la stéréo, dans les années 60, ça se faisait 70, quand la mono est arrivée, mais que tous les enregistrements étaient encore en. Quand la stéréo est arrivée et que tous les enregistrements étaient encore en mono, voilà, il faisait ce genre de truc. In the air. Majoritairement, ce sont des presets d'EQ. Ah oui, non, mais là, c'est que des presets d'EQ, là. Hein. Là, on est sur l'EQ, de toute façon. Gentle Vintage, je l'avais pas vu celui-là. Voilà. Pas mal. Vinyl distortion, voilà. Si on met ça, il se passe quoi? Ableton est plein de surprises, de toute façon. Je voulais parler des effets vinyle. Bonjour. Oui, effectivement. Bonjour. ça, c'est putain de dingue. Ah, il est balèze celui-là. Audio Effect Track Mixing Worn Out Vinyl Master. Génial. Waouh, ça c'est quand même très très balèze. Faut se calmer un peu quoi les gars là. Ça c'est pas mal. Ici j'avais le vinyle non-wheel, qu'est-ce que ça fait ça? Non, c'est juste dégueulasse. Dub plate. Allez, on va partir sur le vinyle. On va virer ça pour voir. Il est balèze quand même, hein. Soft quand même parce que sinon pa pa pa pa pa pa pa Non, je suis pas fan, c'est trop, celui-là est pas mal. Si voilà, on va essayer avec les 100, en gros c'est 100 avec. Voilà, ça fait un peu enfermé dans la boîte. Et je trouve que c'est pas mal. Un léger flanger, ça pourrait être pas mal. Ouais, sur tout le morceau, sur tout le mix, j'ai peur que ça fasse vraiment beaucoup. Alors effectivement, par contre, un flanger sur la basse, il y a un truc. Parce que quand t'étais pas là, on a rajouté une basse, écoute-moi cette basse. Donc, question flanger. Il y a quand même ce qu'il faut, quoi. Et elle est sur la basse. Parce qu'il faut que ça reste punk, quand même. On s'est dit, allez, punk, années 70-80. Il y a les pédales qui arrivent, entendre des trucs. Voilà. À la base, on a foutu une basse un peu plus classique, quoi. Alors, j'hésitais entre un truc un peu distordu ou pas. Puis finalement, Gwen, dans sa grande sagesse, a décidé qu'on mettrait ça. Donc... Voilà, on en est où? Il nous reste 1h33 pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, par exemple. Je ne sais pas, c'est possible. On est en train de composer une chanson, il nous reste une... J'arrive pas ici. 1h33 sur les 3 heures qu'on avait pour composer un morceau avec ces 3 contraintes-là. Donc on a des accords un peu joyeux. Un peu doux, un peu coton, voilà, un peu couverture. Tempo lent, et on est tombé sur 8, 6 et capsule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une chanson qui parle de la mort d'un punk à chien, ou d'un chien de punk plutôt. Donc c'est le punk en question qui va faire une chanson sur son chien, qu'on va appeler capsule. Parce que pourquoi pas. Et donc on va faire une petite chanson sur capsule, et donc on est parti sur ça. Alors, on va se l'écouter. Alors, pour ça, on a fait que deux parties qu'on a mis un peu en boucle. On touche pas aux animaux. Et si, malheureusement, t'es Capsule, bon, il a eu une belle vie après. Capsule, il a voyagé avec son maître, ça, en buvant des binous, des binch, j'avais pas d'autres mots. Voilà, et du coup, ça donne une petite chanson un peu triste. Capsule, où est-ce que t'es passé, Capsule? Bon, alors, il a perdu. Peut-être qu'il est pas mort, peut-être qu'il a juste perdu, que Capsule s'est enfui. Ça te va, ça? Gwen, si Capsule s'est enfui. la thune, c'était parti. Je te trouve pas. S'il s'enfuit pour aller boire des bières sur la plage, ça me va, et eh bien ça me va aussi. Voilà, on va dire qu'il est parti boire des bières sur la plage. Mais que la personne qui écrit ce morceau ne le sait pas, ça, malheureusement. Et ça, c'est triste. Et alors, tout est bien. Hein. Voilà, la chanson est tellement compressée à la fin, histoire que vous ayez quelque chose d'un peu sympa à écouter sans qu'il y ait trop de dynamique. C'est tellement compressé que c'est un peu difficile de faire le mix. Je vous cache pas, mais c'est pas très grave. Peut-être que je peux un peu baisser ça. Voilà. 1h29, c'est le moment de faire une petite pause. Alors je vais vous laisser avec un clip. Cette fois-ci, on va regarder. Alors je vais mettre pause dans le décompte parce qu'on a plus que 3 heures pour faire cette chanson, plus qu'une heure et demie même. Les accords, t'es obligé de les jouer dans l'ordre où ils sortent. Oui, j'ai décidé que oui. Et encore là, on a fait une petite entourloupe, c'est-à-dire que là c'était mi ré la la. Histoire que ce soit carré, mais pour donner un truc un petit peu plus bancal, on a viré le deuxième là, donc ça fait mi ré la mi ré la mi ré la, et comme ça hop, ça rattrape un peu, et comme c'est un tempo lent, ça donne un petit peu aussi un petit peu plus de rythme que de laisser sur le rester sur le la éternellement. Voilà. On va s'écouter ce petit clip. Cette fois, c'est le tout premier clip que j'ai fait avec mon premier groupe, avec un de mes premiers groupes, Kyber. C'était il y a, je sais pas, entre 6 et 10 ans. Je pense que ça fait 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et comme d'habitude, on se retrouve après. À tout à l'heure. Was a sex tourist in Cambodia. hommes qui se font gazer, matraquer et chasser partout dans Paris, c'est la réalité. Il y a une chasse à l'homme qui est organisée par Monsieur Macron. À l'heure où je vous parle, il y a plusieurs homosexuels en Tchétchénie dans ces prisons secrètes qui sont en train de se faire électrocuter, qui sont en train de se faire casser la mâchoire, casser le bras, qui sont en train de se faire ouvrir dessus, qui sont en train de se faire brûler. Et voilà, c'était le clip de Kyber, le seul clip de Kyber, avec Wina, une chanson qu'on va, qu'on a réenregistrée avec Ega, mon groupe actuel, et qui devrait sortir donc dans les mois à venir. Espérons-le, que ça traîne pas trop. Donc, où est-ce qu'on a été ? On se réécoute ça une fois, histoire de... Allez. Voilà, et donc après c'est la boucle, on reprend à partir du début. Voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Maintenant il va falloir, je pense, attaquer les paroles, les fameuses paroles. Qu'est-ce que ça... Hop, je vais me mettre mon petit traitement de texte. Donc on est parti sur un punk qui a perdu son chien qui s'appelle Capsule. Dans le lore, Capsule est parti à la plage, boire des binges. Mais ça, l'auteur de la chanson ne le sait pas. Donc, il va falloir quelque chose d'un peu un peu tristoun, quoi. À part à base de Capsule, où est-ce que t'es ? Où est-ce qu'on fait... Alors, pendant qu'on réfléchit à ça, vous savez quoi, voilà. On va faire ça. Pendant qu'on réfléchit à ça, on va un peu réarranger tout ce merdier, faire une intro, faire un truc comme ça, quoi. Genre là. Ta-dan, ta-dan, ta-dan, ta-dan, ta-dan, ta-dan. Et on reprend ce truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, je vais enlever ça. Créer, insérer silence. On est ici, on est d'accord. Alors, si je fais... Ça va faire à peu près cette taille-là, c'est-à-dire une longueur de 1, comme vous le voyez en bas. Et je vais donc créer insérer silence 1. Et je vais mettre des pêches. Ce qu'on appelle des pêches à la teuteuse. Copier-coller, je change. Ça. Tatan, tatan. Et on va mettre le clic pour s'aider à faire ça, sinon ça va être compliqué. Papam, papam, papam, papam. D'accord, ça fait... Donc, il va être un peu compliqué celui-là. Ouais, c'est un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, plus rapide que ça. Ten ten ten ten ten. Non, non, non. Hop. Là, on cherche le rythme, tout simplement. Montre-nous ton écran, c'est vrai, pardon. Voilà. Toutoun, toutoun, toutoun, toutoun, toutoun, toutoun. Et on va faire ça en tome. Je le double. On va faire ça en grosse caisse aussi. Et on va mettre un tome plus aigu aussi. Voilà. Non. On va mettre une caisse claire en fait. Caisse claire qui est en D1. Pression de jouer au. Voilà. Et même. Ce qui est super cool sur Ableton, c'est qu'on a ça. Et vous entendez le petit truc à la fin, il s'arrête. Alors, si on fait ça, vous voyez, ça fait. Et si on le met à fond, il s'arrête direct. Et en bas, c'est juste, c'est le même, mais sans l'arrêt. Donc, on va prendre ça et on va le mettre en bas. Évidemment, fold pour prendre tout ça et on met tout ça à fond. Et ça va donner quelque chose comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la guitare. Et on va faire ça encore en mi, a priori, je pense. Je vais prendre évidemment le jack. Je me fais vieux. Oh là là. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Ici, je pense en mi. Mi. Évidemment. Un truc comme ça. Comme d'habitude, pour ne pas dépasser, pour que ça n'enregistre pas ni avant ni après, on met les guillemets. J'active les guillemets et on va mettre le clic, histoire d'être sûr. Et on va enregistrer ça tranquillou en mi. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, et après on va faire la basse. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, je désenclenche la guitare. Je branche la basse. Et on va faire la même chose. L'avantage d'être en mi, c'est qu'on est en mi. Donc il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Il y a juste à faire le rythme. Pareil, on va faire un pas de mute. Voilà. Non, écoute. Eh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, ce petit truc-là. Et j'ai pas de... Ah, mais je me suis mis dans Billy, c'est n'importe quoi, ça. Billy Mello, c'est pas Billy Mello, c'est ici. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal? Sauf qu'à la base, je voulais mettre ici. Je voulais mettre là, moi. Donc on va faire ça, on va créer un. Et je vais le copier et le coller là-bas. Histoire que ça réenclenche pour le refrain. Vous voyez? Je vais vous mettre là, juste la dernière partie. Tout est capsule. Qu'est-ce que ça dit? Bon, j'aime bien. Je vais me remettre un peu avant histoire d'être plus dans le mood. Voilà, maintenant il nous faut une petite intro. Si je me laisse qu'une guitare, il se passe quoi? Une guitare avec la mélodie pour voir. Alors hop, on commence ici là. Allez. T'as pas relancé le compteur, c'est bien vu ça, genou Wallace. C'est bien vu. Hop là, je le relance. Merci Seb. C'est pas très punk. Que la basse peut-être. Que la basse sonne quoi. Que la basse, mais je vais en faire une nouvelle, je pense, plus clean. On va voir, hop, si je mets une basse un peu disto, c'est pas mal que la basse, mais j'ai déjà à la faire différemment parce que si on a que ça, hop. Il est, en fait, elle est très épaisse du coup avec le flanger et tout, donc on va lui mettre un truc vachement plus... Vagin plus classique, je pense. Plugin. Hop, tu te sors de là. Guitar rig. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure qui était pas mal? Shot Bass Distort. On va essayer ça. Et voir ce que ça donne. Que la basse avec une nouvelle gratte qui fait les accords plus dans les aigus. Ouais, peut-être. Peut-être. On va essayer. Hop. Qu'est-ce que ça, lui ? Hop. Oh, c'est ici que je suis. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ah, mais à l'autre aussi, je suis idiot. Voilà, c'est mieux. Hop. C'est lui qui me fait ça ? C'est incroyable, ça. Je pensais pas. Scream Bass. C'est quoi cet effet? C'est un flanger, délai. Un flanger, c'est l'effet qu'il y a sur cette basse-là. C'est celui qui fait... je vous en mettrai un ici, vous allez voir. Hop, pardon. Ah, ça, c'est la guitare. Et le flanger. Et je le mets sur le mauvais truc, je crois. Qu'est-ce que... Quoi ? Je suis où là ? Ah non, je suis sur la basse, n'importe quoi. Hop. C'est ça. Il y a même deux là, un gauche et un droite. C'est ça le flanger, en gros c'est un dans notre égalisation. Donc l'égalisateur c'est quoi? C'est tout con, c'est un truc qui permet de booster ou d'enlever des fréquences aiguës, basses, milieu, ce que vous voulez. Et en fait, simplement, on va faire un pic comme ça, voilà. Dans l'autre sens, je voudrais le pic, s'il te plaît. Voilà. Et hop, je vais lui mettre un truc un peu plus grand. Et en fait, ça va bouger, ça, simplement. Ouais, flanger, c'est assez simplement ça, sauf qu'évidemment c'est automatique, etc. Mais c'est ça. Et donc ça a donné, après voilà, on met un peu de reverb, histoire que ce soit un peu plus doux, et ça a donné cet effet un peu... Et c'est ça qu'on a mis sur la basse. La basse que t'aimais bien. C'était pour ça. Et donc là, par contre, on va essayer au début d'avoir une basse peut-être un peu plus clean. Si j'arrive au micro. Je me tâte même à faire simplement juste le mi en début, histoire que ce soit un peu plus... On va essayer quelque chose comme ça. Et que quand ça pète, pouf. Hop, pareil, il faut que j'enlève les guillemets. Hop, je ne sais pas jouer de basse, et ça se voit, ça s'entend. Truc comme ça. Et on peut même lui mettre une petite batterie. Un petit fil. Ici, il va être un peu plus. Pas fou. Voilà, ça c'est bien ça. Hop, hop. Peut-être qu'on peut même le mettre un poil avant, histoire que ça s'arrête. Ça s'arrête au même moment. Et je fais ça pour mieux voir. Il s'arrête. Hop, ici. Vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les cymbales qui s'arrêtent net, qui font pas tch, mais qui font tch. Et bien c'est ce qu'on va faire là, pour que ça s'arrête plus net. Le dernier il va dégager, et on va le mettre sur un truc... Voilà. Et si on le met à fond, du coup, il va s'arrêter net quasiment directement. Un peu plus long en fait quand même. Si je mets ça avant, il se passe quoi? Pas terrible, pas terrible. Il m'embête, hein. Il n'a pas envie de se mettre comme j'ai envie. Non, c'est pas bien. Que ça donne. Et on va mettre une petite pêche au milieu, ici. Et celui-là, par contre, je veux pas que ça arrête tant que... Et on va mettre une guitare. Deux guitares. Pour être précis. Hop. Hop, guillemets. Guillemets. Et... Alors... Mmh. appeler comme ça. Pas sûr, l'aurait bien réussi. Et je vais le couper au bon endroit, comme les autres. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça dit ? Part sur ça ? Rajouter, désolé hein, mais une petite guitare là, on va utiliser la guitare mélo en plein milieu. On va essayer de voir si je peux faire les accords un peu dans les aigus. Truc un peu punk moderne. Je suis ici. Donc on a dit quoi? Mi ré là. Donc ça donne. Comme ça pour mettre un peu plus de tension dans le couplet. Ah, s'il vous plaît, j'en fais. Truc comme ça, c'est pas mal. Est-ce que ça sonne ou pas? J'aime pas le son que ça donne. Un truc plus je vais le dupliquer. Ça dégage, et donc là ça dégage quelque chose d'un peu plus punk quoi. Hop. Si je lui remets le Le classic rock, il était où? Il était où? Ramones. Voilà. Eh bien. Hein? Ah, c'est pas mal ça. On va voir ce que ça donne avec le reste. J'aime bien. J'aime bien, mais je vais faire la suite aussi avec. C'était un... Calme-toi, calme-toi. Voilà, lui aussi, un petit noise gate comme à tous ses copains. Voilà, très bien. Je vais lui mettre. Lui faire un petit. Le petit break sur la guitare. Tout pareil que les autres. Hop. Pas mieux, c'est mieux. Qu'est-ce que ça donne? Merci. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Petit côté peut-être punk un peu plus moderne, plus Idols, tout ça. Je me demandais si c'était plus rock que punk. Ben, on peut partir du principe que le punk est un dérivé du rock. Mauvaise foi enclenchée. La limite entre les deux avec un tempo lent et subtil. Ouais. Pour moi, le punk, c'est quand même plus presque un état d'esprit, vois-tu, dans le sens où on y va sans trop savoir ce qu'on fait, sans forcément être une machine musicalement, ce qui est mon cas de toute façon, enfin, musicalement, techniquement en tout cas. Donc voilà, rester simple quoi. Rester simple, rajouter quelques guitares aiguës, je trouve pas que ce soit non plus ultra chiadé. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. On va commencer à attaquer les paroles là. Alors, première capsule, où t'es-tu parti? Où t'es-tu parti? Capsule, virgule, où t'es-tu parti? On entend les chiens derrière. Comme quoi, ça les touche un petit peu. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Comme si où t'es-tu parti, tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis rien. Suis avec un S à la fin. Je sais que vous le voyez pas, mais bon voilà. Tantôt je suis rien. même plus un punk à chien. Un punk à chien. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis rien, même plus un punk à chien. Moi, je trouve que c'est pas mal pour le... pour le refrain, quelque chose. Hop, je remets ça là. Capsule! Où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami! Sans toi, je suis rien! Même plus un punk à chien! Je sais pas comment le chanter. Parce que le capsule, où t'es-tu parti? Je trouve ça marrant. Peut-être que faire, on peut faire une deuxième voix comme on fait d'habitude. Mais du coup, ça pose la question de comment qu'ils chantent les punks. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien. Je vais te rajouter plus. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un punk à chien. Vous avez vu, rime riche, tout ça. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Ma voix est très forte, du coup j'entends, j'entends un peu trop. Hop. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un bec à chien. Et là, il me faudrait deux phrases en plus, au moins. Plus un punk à chien. Que c'est où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un punk à chien. Et il me faut deux autres phrases. Deux autres phrases pour cette magnifique... pour cette, ce magnifique refrain. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami, sans toi je suis plus rien, même plus un punk à chien. Qu'est-ce que vous proposez? Je squatte plus à mon app, les gens ne me donnent plus de sous. Non, c'est triste ça. T'es parti. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien, même plus un punk à chien. La bière n'a plus de goût. Bière n'a plus de goût. Sans toi, ma bière a un goût amer. Ben voilà, t'es plus. Sans bière, ta bière n'a plus de goût. Sans les poils. Parce que si vous vivez avec des chiens, vous savez qu'il y a des poils absolument partout. Sans toi, ma bière... c'est un truc... genre, la bière n'a plus de goût parce qu'il n'y a plus de poils dedans. Sans tes poils et tes poux. Ouais, c'est un peu crado, pourquoi pas. La bière n'a plus de goût sans tes poils et tes poux. Ouais, allez. Sur ça. Sans tes poils et... et tes poux. Je ne sais pas écrire. Je suis toujours pas habitué à ce nouveau clavier. Seb, trouve un truc. il va falloir du texte pour les couplets. En plus, les couplets sont rapides. Je vous le remets. Donc, il va falloir du texte pour les couplets. Mais pour l'instant, on est sur le refrain. Capsule, t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien. Je vais mettre la batterie à fond. Là, on est à moins de 3. Parce que sinon, j'arrive pas à être en rythme. Tu t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un punk à chien. La bière n'a plus de goût. Sans tes poils et tes poux. Capsule, t'es parti. Et je recommence. On va partir sur un truc comme ça. Je vais me remettre la batterie est un peu forte. C'est normal, c'est pour l'enregistrement. Hop, basse, hop. Je vais un peu enlever tout ça. audio. Et là, on va mettre ma voix. Ma voix. Point. Hop. On va enlever ça. Et je vais garder le clic parce que j'entends pas bien avec tout ce. C'est tellement compressé que toutes les guitares et tout se mélange. Donc on va voir. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Sans toi, je suis plus rien, même plus un punk à chien. La bière n'a plus de goût sans tes poils et tes poux. Je vais mettre ça avant. Et on entend la machine à laver, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Hop, ça. Mais parce que je fais n'importe quoi. Je suis pas sur le bon clavier. Hop, hop, hop. Voilà. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût sans tes poils et tes poux. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un punk à chien. Allez, c'est parti. Machine à laver jusqu'ici. Capsule, où t'es-tu parti? Capsule, t'es-tu... Putain, j'arrive pas. Capsule... Qu'est-ce qui se passe? Capsule, où t'es-tu... Capsule, où t'es-tu parti? Pas si facile à dire. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût sans tes poils et tes poux. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un pain qu'un chien. Capsule. Faut que j'améliore un peu, mais on a quelque chose. Et tes poux, c'est pas ouf. Ouais, je suis d'accord. Sans tes poils. La bière n'a plus de goût sans. Sans tes quoi? Sans tes poils tout partout. Sans tes poils tout partout, c'est mignon. Capsule, t'es parti, gna gna. La bière n'a plus de goût sans tes poils tout partout. C'est bien ça? Et ton caca mou? Oh non, là, c'est dégueulasse. Là. Ça va, alors, je sais bien que, voilà, punk à chien, tout ça, mais là, c'est quand même dégueulasse. La bière n'a plus de goût, donc, Seb, je te résume. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût sans tes poils tout partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un punk à chien. Et donc, on est en train d'enregistrer ça. On essaye, en tout cas. Capsule, où t'es-tu... Ah, j'arrive pas! Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût sans tes poils tout partout. Sans toi, je suis plus rien. Même plus un pain qu'un chien. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût sans tes poils tout partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un punk à chien. T'es faux comme un vrai punk, ouais, je suis ultra faux. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais lui mettre. Bibliothèque utilitaire audio, voix EED. Il va falloir que je me refasse une voix quand même, entre deux streams. Un truc un peu moins... Un peu moins bête que ça. Parce que là, ça fait beaucoup d'effets. Hop, les DSR, on s'en fout. Ça, je garde. Hop, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Là, je suis en train de... clac. De toute façon, il y a... Voilà, c'est mieux. Celui-là, il va dégager aussi. Et compresseur. Ouais, allez. On va garder comme ça, c'est pas mal. Et mettre un poil de réverb, je suis même pas sûr, tu vois. c'est dégueulasse. Capsuloute. Faut que je fasse un truc plus carré parce que j'aimerais bien le doubler derrière. J'aimerais bien le doubler, donc on va voir. On va essayer de faire un truc un peu plus carré. C'est le même les deux fois. Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. Ah, je suis trop rapide. Tiens, le tempo lent, c'est affreux. J'ai envie d'accélérer, mais... Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils tout partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils tout partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. On va essayer de le doubler. Voir ce que ça va donner. Même si je suis vraiment pas convaincu que ça fasse un truc mieux. Hop, hop, hop, hop. Je vais lui remettre, lui, je vais lui mettre de la basse. Hey. Hey. Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils et tes artous. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils tout partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Je sais pas où je vais avec ça. Oh là là là là là. Ce qu'il faut pas faire quand même pour être une star d'internet, c'est dingue. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils et partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Capsuloute, es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils et partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Pas mal ? Je garde. Je garde. Allez. Couplet. Mes nuits sont plus froides sans toi, sans ma boule de poils. Merci Seb. Très bien. Hop. Est-ce que je peux le copier ça ? Ouais. Hop. Copier. Et... coller. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poils. Trop mignon. Pof punk à chien qui a perdu son chien. Mes nuits sont plus froides sans toi, sans. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poils. Qu'est-ce qu'on peut rajouter après derrière? Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poils. C'est quand même triste. Qu'est-ce que je disais la dernière fois? Je disais oui, Verlaine Subutex de. Merde, j'ai plus le nom. Gwen, tu vas peut-être m'aider. Je l'ai quelque part par là. Ah, j'ai perdu le nom. Bref. Verlaine Subutex qui est une. Un roman qui raconte donc les aventures, si je puis dire, de Verlaine Subutex. Et il raconte plein de gens. Et c'est tous ces gens, j'ai vraiment droit à un chapitre, un monologue où il parle plein de trucs. Et il y a un punk à chien, j'y pense maintenant, il y a un punk à chien à qui on a retiré son chien pour des raisons de merde. Et c'est super triste dans le truc. Et je trouve ça assez cool qu'il ait Quel est humanisé le punk à chien comme ça qui Virginie Despentes, merci Gwen. Vers un texte de Virginie Despentes, et c'est super triste de lire ça, le punk à chien à qui on a retiré le chien. Voilà, petit aparté. Combien de temps il nous reste avec ces bêtises? Il nous reste 52 minutes. Menu sans plus frat sans toi, ma boule de poil. Il me faut d'autres phrases pour le couplet. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez? Sachant que c'est ça le couplet. Pardon, ça. Ma ligne est plus froide sans toi, ma boule de balle. Faut que ça rime avec poil maintenant. qu'est-ce qui rime avec poil? Hal. Ça rime pas vraiment, mais hal, ça va. On fait du punk. Si on fait rimer poil avec un truc en hal. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle, c'est bien ça. Hop, je copie-colle. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle, c'est très bien ça. Mes yeux sont plus froids sans ton boule de poil, j'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je m'assois maintenant pour regarder les étoiles? Oh, ça c'est joli ça. Bravo Seb. Un dernier. Rime en voile. Toile. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir maintenant pour regarder les étoiles? Avec qui je m'assois pour regarder le ménage attend trop, je pense, pour la longueur de phrase. Non, peut-être, je sais pas, je vais le garder quand même au cas où. Avec qui je m'assois pour regarder les étoiles, ça dépend parce que c'est long et faut voir comment j'arrive à le caler ou pas. Hop, je mets juste un peu avant. Il sort plus froid sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir pour garder les étoiles. Ouais, là on a fait un quart. on a fait un quart, donc ça veut dire qu'il faut 4 x 3, 12. 12 phrases divisées par 3 phrases en priorité pour cracher. Pour cracher sur Ségolène Royal, on peut, cela dit, c'est bon, on a 3 phrases en wall, on peut changer de rime si vous avez envie. On peut effectivement cracher sur Ségolène Royal si vous voulez. Cela dit, Ségolène Royal, je suis pas sûr qu'elle ait fait ni grand chose pour ni grand chose contre les punk à chiens. J'ai reçu plus d'amour de toi que n'importe quel humain, sans toi j'apprends le lendemain. Très bien ça. J'ai reçu plus d'amour que toi, que des humains, je pense. Sinon, effectivement, ça va être un peu long. Hop. Formatage par défaut. J'ai dit formatage par défaut. J'ai reçu plus d'amour que toi, de toi, que des humains. Sans toi, j'appréhende les lendemains. Oui, j'ai reçu plus d'amour de toi. Oui, bah de toi, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende les lendemains. Yup. Humain, lendemain. Une troisième rime en un. Faquin. Allez, on va essayer de passer faquin. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'apprends le lendemain. Je me rends compte que tous sont des faquins. Jouin. Rick a joué aussi. J'ai envie de passer faquin quand même. Ça me rend faquin. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende les lendemains. Pour oublier, je fais que fumer des joints. Pour oublier, je fume en joint. Fin frelin. On a joint, faquin, fin frelin. Peut-être qu'on peut faire un deuxième après. Pour oublier, je fume des joints. C'est bien ça. Pour t'oublier, Je fume des joints. Hop, oublié, je l'ai mal écrit. Pour t'oublier, je fume des joints. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'apprends le lendemain. Pour t'oublier, je fume des joints. Pour t'oublier, je fume des gros joints, tu crois ? Ça rentre. Fume des joints. Est-ce que t'as été enlevé par des faquins ? As-tu été enlevé par des faquins ? Pardon, oula oula oula, j'ai appuyé sur des trucs qu'il fallait pas, moi. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Illuminate 10, le best viewer on. Il y a que c'est que ça, c'est une pub ou quoi ? C'est possible que ce soit une pub. On fait que du cliché à chaque fois. Bah oui, évidemment qu'on fait que du cliché. Pourquoi est-ce qu'on ferait autre chose que du cliché ? j'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'apprends le lendemain. Pour t'oublier, je fume des gros joints. Bon, on met pas faquin alors. On met pas faquin, d'accord. On fait que du cliché à chaque fois, oui. Et comme c'est un peu long, je pense que je vais réutiliser ça, ça pour le deuxième couplet. Parce que sinon, ça va être un peu casse-couille. Sur pourquoi on part où es-tu parti ça, j'ai déjà mis. Où es-tu parti souviens-toi. De quoi est-ce qu'on s'en souvient souviens-toi. Souviens-toi un peu qu'un chien. Souviens-toi de nos. Il y a Calais aussi. J'aurais pu rimer avec les joints. Souviens-toi de nos câlins. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des faquins. Ouais, j'ai un peu faim. Du regard des faquins. Souviens-toi de nos câlins, on se fichait du regard des faquins. Avec quoi on avait ? Avec quoi on avait ? Avec quoi on avait ? Fin frelin. Je t'aimerais toujours, mon petit fin frelin. Tu me manques, mon petit fin frelin. Manque mon fin frelin. Voilà, et allez, trois dernières pour finir le couplet avec peut-être des rimes différentes. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poil, j'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir maintenant pour regarder les étoiles ? J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains, sans toi j'apprends le lendemain pour oublier, je fume des gros joints. Souviens-toi de nos câlins, on se fichait du regard des faquins, tu me manques mon fin frelin. Fifrelin, fin frelin. Quoi dit France Fifrelin, c'est mon fifrelin, je sais pas, ouais. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi un fin frelin, un fifrelin? Hop. Je vais espacer un peu histoire de m'y retrouver. On est sur l'écriture des paroles là. Si jamais quelqu'un nous rejoint, je vois un spectateur qui fluctue. Chose monnaie sans valeur. Fifrelin, chose monnaie sans valeur. Un fifrelin, c'est ça ? Et un fin frelin, c'est quoi ? C'est quoi un fin frelin, alors ? Fin frelin. Fin frelin, ça existe pas, fin frelin. Tu m'en apprends une belle, là. Bon, ben, fifrelin, alors. Ensemble, on parcourait le monde. Ensemble, on parcourait le monde. Qu'est-ce qui rime avec monde ? Onde. Onde. Onde, fronde. Ronde, blonde. En buvant plein de blondes. Tout le monde me demande où t'es passé. Je leur dis que t'as trouvé une petite pépé. Oh, je déteste ce mot pépé. Et vous êtes partis faire des bébés. Non, c'est dégueulasse ça. Non, non, non, non. C'est des petits bébés, ça. Ils font pas de bébés, les bébés. Je déteste ce mot, la petite pépé. C'est dégueulasse, quoi. Ensemble, on parcourait le monde. En fumant des blondes ou en buvant des blondes? Mais attends, fumer, on l'a déjà mis. Attends, je fume des gros joints en buvant des bières blondes. En buvant, avec un E bien sûr, buvant. Mais ça rime avec pépette, oui, mais c'est pas pareil. Pépé, pépette, c'est pas pareil. Pépette, ça va, pépé, ça passe pas. En ça, on peut courir le monde en buvant des bières blondes. On découvrait que la terre est ronde. Peut-être, pourquoi pas. En ça, on peut courir le monde en buvant des bières blondes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en ça, on peut courir le monde en buvant des bières blondes. On faisait gronder la fronde. Monde, ronde. En surfant sur les ondes. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ensemble, on parcourait le monde en buvant des bières blondes. Pour voir la Joconde, ça c'est bien ça. Pour voir la Joconde. Parce que toi, c'est un punk qui est amateur de peinture. Ok, on va essayer ça. On va essayer ça. Mes nuits sont plus froides. Au fur et à mesure, les phrases sont de plus en plus courtes. C'est pas grave, on va trouver quelque chose. Hop. On va repasser sur ça. Voyez-vous. Ça, c'est le couplet. Et je vais m'arrêter juste avant de reprendre le refrain. Alors. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poil. Faut que je démarre direct, je pense. Faut que je démarre direct. Hop. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poil. Je vais mettre le clic, sinon c'est nul. J'y arrive pas à être carré avec cette batterie qui fait n'importe quoi. Rien que nous à la ronde. Rien que nous à la ronde, c'est pas mal. Rien que nous à la ronde. Je vais changer par... Rien que nous, plutôt que les bières, parce qu'on a déjà... Je crois qu'on a déjà... La bière, voilà. Rien que nous à la ronde, c'est bien. Nous à la ronde. Avec cette batterie de l'enfer, là, j'arrive pas à me retrouver. C'est infernal. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Ravi que je vais m'asseoir maintenant pour garder les étoiles. Maintenant, il est en trop. Et je vais m'augmenter un peu moi mon volume pour mieux entendre la musique, parce que sinon je m'y perds. Et cette machine à laver là qui tourne, ça me rend dingue. Ça me rend complètement dingue. Merci les voisins. Mais les sont plus froides sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je m'assois pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour que toi dans les humains. Ah! Faut que je le passe d'un coup celui-là. Je vais essayer de le passer d'un coup. Par contre, comme d'hab, je me nique la voix. Et donc je vais prendre un petit peu d'eau. Un petit ASMR machine à laver plus eau. C'est reparti. Je le passe d'un seul coup celui-là. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi j'appréhende tous les lendemains. Pour tout oublier, je fume des rejoins. Souviens-toi de nos câlins, on se fichait du regard des faquins. Tu me manques mon fifrelin. Ensemble on parcourait le monde, rien que pour nous à la ronde. Pour voir la Joconde. Un peu rapide sur la fin. Merci Gwen de t'être occupé de Illumina, je sais pas quoi là. Bon, je le passe pas d'un seul coup finalement. Passer la moitié sera déjà pas mal. Je crois qu'on a passé la moitié en vrai. C'est pas mal de changer de truc à la fin. Désolé du retard, du temps de latence. T'inquiète pas, je te remercie, y a pas de problème. Hop, j'ai loupé la fin. On va faire que la moitié. Tranquille. On va pas se foutre de la pression non plus. Et comme ça, je vais essayer de faire une autre rythmique sur la deuxième moitié, histoire que ce soit pas trop redondant. Hop. Pardon, j'ai enlevé le clic. Je vais me remettre le clic. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poils. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir pour garder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi j'appréhende tous les lendemains. Pour t'oublier je fume des gros joints. Et pour t'oublier je fume des gros joints. Parce que sinon cette phrase elle est un peu courte. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des gros joints. Histoire que ce soit un peu plus lent, parce que sinon c'est un peu court et j'arrive pas à tout caser. Enfin, tout bien caser. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poils. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans ange j'appréhende tout le... Putain, j'arrive pas. Je vais y arriver. Mes nuits sont plus froides sans toi, ma boule de poils. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi j'appréhende tous les lendemains. Mais pour t'oublier je vais devoir fumer des gros joints. Voilà. On le cale, un peu à la zone, on le cale. Et le deuxième, je vais le faire sur les fins de phrase. Je pense que je vais prendre l'autre voix. La deuxième, il y aura un peu plus d'ampleur, puisqu'il y a un peu plus de réverb et tout. Et on va voir ce que ça fait. Pardon. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des facards. Tu me manques mon fifrelin. Ensemble on parcourait le monde. Rien que nous à la ronde. Pour voir la Joconde. Ouais, c'est pas mal. Sans toi, ma boule de poils. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Mais pour t'oublier, je vais devoir fumer des gros joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des paquets. Tu me manques mon fifrelin. Ensemble, on parcourait le monde. Évidemment, je vais doubler ça parce que avec deux voix, ça va être un encore plus cool. Ça va, ça fait punk là, du coup. Non, au final, on part toujours sur le truc de merde et puis au final, on retombe un peu sur nos pattes. Je vais doubler ça et je vais mettre un à gauche, un à droite. Hop. Mettre moins 15 et 15 pouvoirs. Allez, c'est parti. Je vais essayer de rythmiquement faire ça bien. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des facards. Ah, on va voir comment ça sonne, mais j'ai loupé le... Ouais, faut être un poil plus carré, mais c'est ça. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des facards. Tu me manques, mon fifou de l'air. T'es freinant. T'es je vais y arriver, Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des facards. Tu me manques mon fifrelin. Ah, tu me manques mon fifrelin. Tu me manques mon fifrelin. C'est pas compliqué. Incroyable ça. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait de regarder. Waouh, allez, allez, et là je l'ai, là je l'ai. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait. On se fichait. Articule, me disait ma grand-mère. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des facards. Tu me mens, mon fucking. Oh, il me rend fou. Tant pis, je triche. Voilà, je triche. Punk. Rien à péter. Les deux premiers sont bien, je crois. On va écouter les deux premiers. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des facards. Ouais, allez, il est bien. Tant pis. Tant pis, je triche. Et j'ai même pas honte. Vous savez quoi, j'ai même pas honte. On se fichait du regard des facards. Tu me manques, mon fifre, voilà. Tu me manques, mon fifre, là. Tu me manques, mon fifre, là. J'arrive pas, c'est dingue. Tu me manques, mon fifre, là. Tu me manques, mon fifre, là. Tu me manques, mon fifrelin. Tu me manques, mon fifrelin. Tu me manques, mon fifrelin. Tu me manques, mon fifrelin. Tu me manques, mon fifrelin. Tu me manques, mon fifrelin. J'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? C'est dingue. On se fichait du regard des facards. Tu me manques, mon fifrelin. On s'en bat pour elle. Allez, c'est bon. Ça, je le garde. Il est bon, je crois que je le garde. Tu me manques, mon fifrelin. C'est même pas là, c'est même pas la bonne rythmique, mais quelle honte. Tu me manques, mon fifrelin. Ah, peut-être c'est plus facile comme ça. Tu me manques, mon fifrelin. Ah, c'est plus facile comme ça. On se fichait du regard des facards. Tu me manques, mon fifrelin. Est-ce qu'il est bien? Tu me manques, mon fifrelin. Voilà. C'est pas compliqué, bordel de cul. Allez, celui-là, celui-là est nickel. Parfait. Ensemble, on parcourait... Alors, je vais écouter une fois pour être bien dans le rythme. Ensemble, on parcourait le monde. Rien que nous à la ronde. Pour voir la Joconde. Ok. Tu me manques, mon fifrelin. Ensemble, on parcourait le monde. Rien que nous à la ronde. Pour voir la Joconde. Comment ça sonne? Pas terrible. Ensemble, on parcourait le monde. Ouais. Quelques nous à la ronde. Pouvoir la Joconde. Le pouvoir de Joconde, il est pas bien. Ensemble, on parcourait le monde. Quelques nous à la ronde. Pouvoir la Joconde. Ensemble. Pouvoir la Joconde. Ouais, c'est bon. Je prends. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût, sans tes poils elle est partout. Sans toi je suis pleuré. Cette batterie de l'enfer. Pardon, je vais devoir virer ça parce que là elle est partout. Sans toi je... Au moins les deux premiers je vais les mettre comme ça, parce que sinon c'est l'enfer. Elle est partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu. Parce que sinon, ça, ça casse tout le truc, c'est affreux. Hop. Et donc, lui, par contre, il revient à un moment donné. Et donc, il faut que je le remette au milieu. Et oui, c'est comme ça. Hop. Clac, clac. Et donc, lui, je vais le mettre à 0. À C comme centre. Et donc, ce couplet, ça donne quoi ? Sans toi, ma boule de poil, j'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. La vie qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humeurs. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des paquets. Dis-moi, mon pitrolin. Parti, tu étais mon meilleur ami. La guerre n'a plus de gros sort de poil tout partout. Sans toi, je ne suis plus rien, mais tu es un peu chien. Mais ils sont plus froids sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humeurs. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des paquets. Dis-moi mon pifolin. Ensemble on parcourait le monde. Viens que nous à la ronde. Pour voir la Joconde. Et là on va faire un petit... Juste une seule pêche. À la batterie, on va faire ça. Vous allez voir, ça va être bien. Hop, batterie. Parce que ça, on peut le faire en plus directement. Ça, c'est fort pratique. Si je vais dans Cymbal Stuff, on est en 4-4. Allez, je sais pas ce que je veux. Tout Cymbal Langue. Oh non, moi je veux un crescendo, crescendo. Medium. Hop. Non, hop. Alors. Là, je vais créer un silence de 4. Comme ça, je vais mettre mon... ma batterie, peut-être que crescendo. Non, je vais mettre le moyen. Hop, hop. Là, celui-là, on va le faire monter plus haut que ça soit comme ça. Voilà, on vire ça. Et ça, et on met ça comme ça. Et là, cet espace que j'avais créé, eh bien, je vais simplement le supprimer. Et je remets un grand écran. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Et on va même faire ça. Et j'ai envie de débarrer un peu plus bas quand même. Parce que sinon, hop... J'ai peur que ce soit trop fort dès le début. Voilà. Du coup, alors, on va reprendre nos petits guillemets. On va faire exactement comme tout à l'heure, sauf que à la guitare, on va mettre une seule pêche. Tout simplement. Hop, hop, hop, hop, hop. Et on était en mi. Allez, c'est parti. Mi. Hop, on va faire la même chose ici. On va faire ici Billy Mello, Billy Mello. Pourquoi j'en ai deux, Billy Mello? Parce que c'est pas les mêmes. C'est logique jusque-là. J'enlève le solo. Hop, on va faire la même chose à la basse. Ma petite basse. On va faire un petit mi. Il nous reste 22 minutes pour finir ce morceau. La basse, elle est là. Pourquoi j'ai deux basses? Ah oui, parce que voilà. Et l'autre, on l'a fait là. On l'a fait avec ce son-là, donc on va continuer à faire avec ce son-là. Tous les effets flanger, tout ça sur la basse, ça fait un côté... petit côté électro qui, allez, pourquoi pas. C'est comme ça qu'on fait hein, pour trouver des idées. Il n'y a personne qui est un génie, vous inquiétez pas, on fait tout comme ça. Mais je suis pas fan, donc lui on va lui mettre hop, on va lui mettre un gros stop, comme disent les jeunes. Génial, le flanger, ça passe trop bien. Enfin, je sais pas, moi il me dérange un peu quand même. Tu préfères avec toi? Dans ce cas, on peut essayer de faire l'inverse par contre. Ça peut être drôle. C'est-à-dire augmenter le volume. C'est comme ça. Il monte un peu haut quand même. Je pense. Assez. Capsule, t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La mère n'a plus nous en dévoilé partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Et vous savez ce qu'on aime faire ici? Vous savez ce qu'on aime faire? On va rajouter une petite voix à la fin. Pas le gobelin, on peut pas le mettre à chaque fois, si. On peut le mettre à chaque fois. Vous croyez qu'on peut le mettre à chaque fois? Je pourrais. Si je le mets là. Ça vous va, ça? C'est bon, c'est assez con pour vous ou pas? Vous me dites, hein? Par contre, je pense que je vais devoir baisser le volume à Burn. Non, je vais le mettre là, même. Hop, attends. C'est bon? hop. Qu'est-ce que... Fondu, voilà. Là, j'ai mis un fondu pour être sûr que... qu'on entende bien. C'est parfait, qui dit le Seb. On s'écoute une fois en entier? On n'a toujours pas écouté en entier une seule fois. Hein. Pendant qu'on l'écoute en entier, on réfléchit à un nom pour la chanson. Il y a beaucoup de bruit sur la triche sur le frein. Oui, c'est une volonté de Gwen qui voulait en foutre partout, comme dans le sketch de François Pérusse. Tata pauvre, tata pute. Celle-là. Ce que je faisais, c'est que j'essayais de réarranger cette voix que j'étais pas fan. Cette voix-là. Hop. Et donc, je vais rajouter un petit one knob que j'aime bien, vous le savez maintenant, pour avoir une voix un peu plus raillée et du délai. On va voir ce que ça donne. Belle histoire plus froide sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles faire le seul plus d'âme. Par contre, je pense qu'on va rajouter, pour finir ce break-là que je trouve cool, à la toute fin. Voilà, hop, copier. Histoire que ça finisse un peu en beauté, quelque chose comme ça. Sans toi, je ne suis plus rien, même rien que quelqu'un. Puis en plus, ça coïncide bien. Ça manque un peu de pause musicale entre les phrases au début de la chanson. Je sais pas si on n'a pas le temps de niaiser. 12 minutes au début de la chanson, ici. Sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles faire le seul plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende tout. Ici, tu disais, Gwen, qu'il manque un peu de pause. C'est du punk, hein. Pas de pause quand il y a du punk. Plus froide sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles faire le seul plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des gros joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des paquets. Tu veux voir mon petit voleur. Ensemble, on parcourait le monde. Je sais pas, moi je trouve que ça va. Je trouve que ça va parce que vu que la rythmique après elle est plus espacée, ça fait moins on rajoute quoi. Par contre, je pense que je vais doubler cette guitare là, celle-là, celle qui fait ça. Juste après étoile. Avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles faire le seul plus d'amour de toi que des humains. Ouais, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est que si on veut tout caser, je suis obligé de tarter. Déjà, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de doubler cette partie-là. Lui, on va le mettre à moins 25 et l'autre à 25. Et on va refaire la même chose. Alors, je récupère Billy. Parce que cette guitare, je la trouve cool. Je trouve que pour le coup, elle fait vraiment assez punk. Assez moderne, certes. Mais le punk moderne, ça existe, sachez-le. Les punks n'ont pas cessé d'évoluer, malgré ce qu'on peut voir parfois ou croire parfois. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des gros joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des paquets. Tu veux voir mon petit voleur. Ensemble, on parcourait le monde. Quelques nous à la ronde. Pour voir la joconde. J'arrive pas à le tenir. Je vais le faire une fois. En fait, je pensais que c'était vachement plus long. Et en fait, non. Donc, je vais le refaire et je vais enchaîner avec le talent. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des gros joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des paquets. Tu veux voir mon petit voleur. Ensemble, on parcourait le monde. Viens que nous à la ronde. Hop. Je crois que j'ai un peu loupé le. Ça là. Allez, je file bosser à mercredi. À mercredi, ça va, 10h comme d'habitude. Tous les lundis et tous les mercredis. On compose un morceau. Hop. Donc. On va voir si ça sonne bien. parti, tu étais mon meilleur ami. Ah là, il n'y a plus qu'à faire celui-là. À quoi il ressemble l'autre? Ouais, facile. Il reste 7 minutes. Peut-être qu'on peut se pencher sur le problème effectivement du étoile. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu as une idée? C'est un peu... après étoile, ça manque d'espace, mais je sais pas trop comment arranger ça ici. Hein. Mais ils sont plus froides sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende de tous les lendemains. Et pour t'oublier, je... Une latence musicale, c'est-à-dire que je rajoute ce truc, mais après on va plus être dans le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre quelque chose, une respiration, genre comme ce qu'on a fait là? Et j'ai peur que ça casse complètement le rythme, quoi. Mais ils sont plus froids sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. La vie qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des bagarres. Tu me vends mon picolin. Ensemble, on parcourait le monde. Et que nous, à la ronde, pour voir l'âge encore. Capsule, t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La bière n'a plus de goût dans tes poils et partout. Sans toi, je ne suis plus rien. Ben, plus un peu qu'un chien. Capsule, t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La guerre n'a plus de goût, sans des poils partout. Sans toi, je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Mais ils sont plus froids sans toi, ma boule de poil. J'ai envie de pleurer quand je vois ton os à moelle. Et avec qui je vais m'asseoir pour regarder les étoiles. J'ai reçu plus d'amour de toi que des humains. Sans toi, j'appréhende tous les lendemains. Et pour t'oublier, je vais devoir fumer des grands joints. Souviens-toi de nos câlins. On se fichait du regard des bagarres. Tu me vends mon petit volant. Ensemble on parcourait le monde. Et que nous à la ronde. Pour voir l'âge encore. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La guerre n'a plus de goût dans tes poils et partout. Sans toi je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. Capsule, où t'es-tu parti? Tu étais mon meilleur ami. La guerre n'a plus de goût dans tes poils et partout. Sans toi je suis plus rien, même plus un peu qu'un chien. L'affaire est rigolote. Fin rigolote, c'est que je trouve que les phrases s'enchaînent un peu trop vite. Je suis d'accord avec toi. Dans mon goût à moi, je suis d'accord avec toi, mais dans le style, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà quoi. Hop. Finir comme ça. Voilà, 4 minutes pour le titre. Je pense qu'on devrait y arriver. On va y trouver un titre. Capsule. Le chien s'appelle Capsule. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on peut... capsule, c'est parti. Capsule, où t'es-tu parti? Où t'es-tu parti, capsule? Juste capsule. Capsule, mon chien. Mon chien capsule. Je ne sais pas. Est-ce que t'as des idées, toi? Où t'es-tu parti? C'est pas mal, ouais. Où t'es-tu parti? Allez, on va partir sur où t'es-tu parti. Hop, annulé, pardon. Cac, sauver cette live sous. Où t'es-tu parti? Parti avec un i. Où t'es-tu parti? Avec un U accent. Enregistré. J'aimerais bien que tu l'enregistres, s'il te plaît. On va voir comment il ne m'autorise pas à mettre des accents. Ce qui est possible, hein. Il ne veut pas? Non, il n'a pas envie. Pourquoi il ne veut pas? Si je mets ça. Non, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? C'est quoi cette nouveauté, là? Si je mets juste capsule, il se passe quoi? Promis, après on l'appellera. Ah, capsule, il veut bien. Je pense qu'il y avait trop de signes et tout ça. J'ai mis capsule là juste pour l'enregistrer, mais voilà, on va regarder où t'es-tu parti comme titre pour la sortie. Il reste 40 secondes. Je trouve qu'on est pas mal. On se l'écoute une dernière fois et puis on débrief, quoi. Allez. Yeah. Ben voilà. Qu'est-ce que vous en disiez? Qu'est-ce que vous en disiez alors? Je pense qu'on a, on est pas trop mal. Je regrette pas d'être venu entendre le résultat. Chanson sponsorisée par la 8-6. Effectivement. Pardon. Bon retour, Daisuke. Voilà la chanson. Ben nickel. Je trouve qu'on est pas mal. Faite en 3 heures. Les accords. Les accords, on a un peu triché, on a viré le deuxième là. Ah ouais, ça va. Tempo lent, on a un peu triché pour le, ce qu'on appelle le couplet, qui est en vrai presque plus le refrain. On l'a un peu doublé, du coup c'est un peu rapide tout ça. Bon, ça passe, ça passe. Le tempo reste lent à la base. Sur Ableton, là c'est marqué. Hein. Ici, là c'est marqué 83. Donc c'est lent. Et le contexte 8-6 et capsule, là on peut pas être moins dedans. Peut pas être plus dedans, peut pas être plus dedans. Plutôt, oui. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal réussi. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que la prochaine fois, on fera aussi bien. Il y a toujours un petit peu, un petit moment de flottement au début, la première moitié, on sait pas trop où on va. Et puis finalement, il y a quelque chose de pas trop mal, je trouve. Voilà. Hop, on va mettre un peu de musique. J'aurais pu mettre peut-être un peu de musique. Pour conclure. Voilà. Si jamais ça démarre, ça n'a pas envie de démarrer parce que mon portable a RAM. Mais voilà, en tout cas, merci à tout le monde venu. Il est déjà 1h30 de l'après-midi. Oh là là. On se retrouve comme d'habitude tous les mercredis matins et tous les lundis matins à midi. À chaque fois, on compose une chanson avec des accords différents, des techniques différentes et un contexte différent. Et c'est le Globi Bulga, tout ça, qui va faire un petit tout. Et évidemment, le tout en 3 heures seulement. Merci Gwen de nous mettre les liens. Voilà, il y a tous les liens qui sont disponibles. Ce qu'on entend là, c'est la playlist des copains qui est dans les liens. Vous pouvez retrouver ce stream sur YouTube, sur Spotify, évidemment sur Twitch. Mais Twitch, je crois que c'est qu'une semaine pour l'instant. C'est pas très long. Et les chansons, elles sont dispo hein, assez vite sur toutes les plateformes. Donc les deux premières qu'on a fait la semaine dernière, elles sont déjà dispo sur quasiment toutes les plateformes, à savoir comment on les a appelées, Merguez Explosion la seconde et la première, je ne sais même plus le nom de la première, le bruit de tes cloches, voilà le bruit de tes cloches pour la première. Et voilà, moi je vous dis au revoir, merci tout le monde et je vous quitte avec la chanson une dernière fois. Merci beaucoup tout le monde, salut, à mercredi. Capsule où t'es-tu parti, tu étais mon meilleur ami.